Question 37. La vitesse est limitée à hauteur du panneau, réponse A, à 150 mètres, réponse B, à 50 mètres, réponse C.